Doc, je me rappelle du bon temps, des vacances à la plage, de ceux qui m'aident d'être pour me remettre à la page. Je me rappelle de ce temps où je partais si vite, quand je parlais du passé et puis de toutes ces risques. Je me rappelle de l'inspi quand j'écoutais des disques, de ma tendre enfance et puis de toutes ces risques. Je me rappelle de ces gens qui s'écartaient de moi, car depuis tout petit c'est le délire que j'ai pas. Je me rappelle des petits qui jouaient au foot en bas, de la chaleur du bitume et de nos cabanes en bois. Je me rappelle de la chance, celle qui passait près de moi, celle que j'ai laissée passer et qui ne m'attendait pas. Je me rappelle de la fume et de ma première clope, des bagarres au collège ainsi que de ma première claque. Il a fallu s'investir, pour ça j'ai commencé le rap. J'ai écrit des textes et ce depuis je dérape. Yeah, Torka. Je me rappelle de ce temps où je me foutais de tout, de ces sentiments qui ont fait moi ce fou. Je me rappelle des matchs avec mon club de foot, de mon premier concert et puis aussi de la foule. Je me rappelle des potes et de ma première meuf. Je me rappelle de ce temps où on esquivait les cuts. Je me rappelle de ce jour où j'ai pris le métro tout seul, de cet homme sous les rails, putain comment j'avais le seum. Je me rappelle de ces gens qui n'ont pas eu de cœur, ceux qui comprenaient pas qu'un homme a besoin d'être seul. Je me rappelle des années et de mon premier groupe, comment je kiffais grave être auprès de ma troupe. Je me rappelle de ce type qui m'a fait partir en tôle, ma famille était là ainsi que les gens qui m'épaulent. Il a fallu s'investir, pour ça j'ai commencé le rap. J'ai écrit des textes et ce depuis je dérape. Yeah, Torka. Je me rappelle du bon rap et des groupes de ma ville. Je me rappelle de la haine comme Hubert Vin sous sa hit. Je me rappelle des tirs et aussi des manifs, de ce jour au studio qui a fait changer ma vie. Je me rappelle de ce temps avant la chute et la crise, à l'époque où en boîte il passait du son funky, de tous ces battles au milieu de la piste, des soirées dans les bars ou bien les rues de Paris. Je me rappelle de l'époque dans les cours de l'école, des différents types aussi des profs et d'école, des graffs sur les murs et des embrouilles dans les plus, de ce temps où les potes ne devenaient pas des putes. Je me rappelle de ce temps où soutenu par les miens, de ce temps où la rue me faisait croire au lendemain. Il a fallu s'investir, pour ça que j'ai commencé le rap. J'ai écrit des textes et ce depuis je dérape. Yeah. Quand je pense que c'est juste des retours de pensée, faut teaser pour oublier ça, teaser pour s'en rappeler, teaser pour mourir, teaser pour crever. Aïe, c'est que des retours de pensée, cousin. C'est ça, Torka 2010, que des sessions perdues, hein. C'est ça, du rap jeté par la fenêtre, zinc.